Celle-ci, elle est universelle pour tous ceux et celles sur qui les malheurs s'abattent dans les cris de douleur se battent. Laissez-moi chanter. Laissez-moi chanter. Pour les Haïtiens, pour les Algériens, pour les Indonésiens, pour les Sri Lankais, les Thaïlandais et les Iraniens, pour les familles des victimes du 11 septembre 2001, pour tous ceux qui subissent l'injustice d'un être humain. Oh, pour les Haïtiens, pour les Sri Lankais, les Thaïlandais et les Iraniens, pour les familles des victimes du 11 septembre 2001. Même si je sais pas chanter, laissez-moi chanter, manifester ma solidarité avec ceux qui ont le cœur perforé, qui ont vu une partie d'eux s'évaporer. Quand la terre a tremblé, la terre a tremblé. Quand la mer s'est soulevée, la mer s'est soulevée. Quand l'injustice a frappé, quand l'inégalité s'est manifestée, ceux qui n'ont plus rien. Plus rien si ce n'est leur souvenir. Souvenir. Ceux qui n'auront plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais le même sourire. Où qu'ils soient, où qu'ils soient, quel qu'ils soient, cette chanson est universelle. Pour les Haïtiens, pour les Algériens, pour les Indonésiens, pour les Sri Lankais, les Thaïlandais et les Iraniens, pour les familles des victimes du 11 septembre 2001, pour tous ceux qui subissent l'injustice d'un être humain. Oh, pour les Haïtiens, pour les Sri Lankais, les Thaïlandais et les Iraniens, pour les familles des victimes du 11 septembre 2001. J'ai envie d'être universel, chanter pour tous ceux et celles sur qui les malheurs s'abattent, dans des cris de douleur se battent. Remercie Dieu si tu manges à ta faim, car y'a des gens sur cette planète à qui il ne reste plus rien. Y'a tant de nourrissons qui ne grandiront jamais, mais auraient survécu si leurs parents n'avaient les moyens. Difficile d'accepter que la guérison a un prix, que les conséquences des maladies diffèrent selon les pays. Quand va-t-on partager au lieu de piller et ravager? Pour les Algériens, pour les Indonésiens, pour les Sri Lankais, les Thaïlandais et les Iraniens, pour les familles des victimes du 11 septembre 2001. Yeah. Même dans les grandes métropoles, les gens ressentent un mal de vivre. Nos villes deviennent comme folles, ensemble les gens ne savent plus vivre. Même si je suis éprouvé, que la vie ne me fait pas de cadeau, je dois quand même avouer que face à leur souffrance, les GM mon fardeau. Original. Quand la terre tranche, je suis solidaire. Quand les épidémies se répandent, je suis solidaire. Quand la mer se soulève, je suis solidaire. Quand les gens n'ont plus de rêve, je suis solidaire. Quand les gosses n'ont plus d'instruction, je suis solidaire. Quand les soldats tuent des enfants, je suis solidaire. Quand les gens meurent de faim, je suis solidaire. Quand l'injustice gagne du terrain, je suis solidaire. Solidaire. Pour les Haïtiens, pour les Algériens, pour les Indonésiens, pour les Sri Lankais, les Thaïlandais et les Iraniens, pour les familles des victimes du 11 septembre 2001, pour tous ceux qui subissent l'injustice d'un être humain. Pour les Haïtiens, pour les Sri Lankais, les Thaïlandais et les Iraniens, pour les familles des victimes du 11 septembre 2001. C'est du reggae, c'est pas du rap. Le raga, c'est comme ça que j'ai commencé, non? Tu te rappelles ou quoi? Écoute, tu te rappelles ou quoi? Ça faisait, je ne veux pas aller au service militaire. Je ne veux pas faire la guerre pour un morceau de terre. Je ne veux pas aller au service militaire. Je ne veux pas faire la guerre pour un morceau de terre. Je disais, halte au racisme, on ne veut plus de ces crimes. Le babaï, le babaï, le babaï. Halte au racisme, on ne veut plus de ces crimes. Le babaï, halte au racisme. Aïe, Kai James, Clapton à la production. Pour tous ceux et celles sur qui